Zygomar, livre 8e, par Léon Sazy. Chapitre 1er, Bombin. Le pickpocketisme a été créé, innové et perfectionné à Londres. D'ailleurs, Londres est la ville idéalement bâtie pour que l'art du pickpocket y soit prospère. Et les émeraies de ruelles tortueuses extrêmement étroites et les policemen sont énormes. Vraiment, il y a certaines ruelles, des lanes, où le majestueux policeman avec son casque, sa houppe lente basse, ne peut s'engager à la poursuite du pickpocket maigre et agile. D'ailleurs, le policeman est à Londres vraiment le gardien de la paix et du bon ordre dans les rues. Quant aux pickpockets, évidemment, ils sont de son ressort, mais le citoyen anglais est habitué à compter d'abord sur soi-même, à se protéger, à se défendre, sans comme en France, par exemple, espérer que la police est uniquement établie pour le mettre à l'abri de toute tentative. De sorte que si les gentlemen pickpockets sont habiles et silencieux, les citoyens de Londres avertis ne se laissent pas voler facilement. Et tout va pour le mieux, même les automobiles qui ne se croient pas le droit comme à Paris d'écraser les passants. Plus que tout autre, le capitaine de Montgomery connaissait cette particularité du pickpocketisme de Londres. Il n'eut aucunement l'intention de mettre en garde ses amis Simonet et la Rochardie des entreprises des fouilleurs de poche. Mais il dit au chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères de France pendant la traversée de Dieppe à New Haven, « Mon cher ami, la tentative d'hier soir est une leçon, un avertissement, et il faut qu'elle nous profite. »« À eux aussi !» proclama l'ardent la Rochardie. « Je doute fort qu'ils recommencent, ils vont nous laisser en paix. »« Non !» affirma froidement le capitaine. « La partie est trop belle pour l'abandonner à la première escarmouche malheureuse, ils vont recommencer. »« Nous aussi !» déclara le capitaine en montrant les poings. Montgomery le calma. « Nous sommes en Angleterre. » « Rien ne se passe ici comme en France, ne l'oubliez pas, mon cher, et permettez-moi en bon anglais de vous guider, vous, bon français. Nous vous écoutons. » Montgomery dit à ses amis, « Allons fumer une cigarette sur le pont. Nous serons entourés d'air, d'air dans lequel il n'y aura pas, comme dans les murs, des oreilles pour nous entendre. » Sur le pont, dans un coin, s'appuyant au bastingage et se plaçant sous le vent pour que leurs paroles prissent la voix du large, tombassent derrière le navire, après s'être assuré que personne ne se trouvait auprès d'eux, Montgomery reprit. Ils vous ont pris votre ceinture, mon cher Simonet, croyant qu'elle renfermait les documents qu'ils convoitent et dont à tout prix ils veulent s'emparer. Grâce à Paul Amroquet, dit le jeune chef de cabinet, les documents sont en lieu sûr et je les porte là où, à moins de me déshabiller complètement ou de me couper un membre, personne ne peut les prendre. Fort bien. Mais déjà ils doivent savoir que votre ceinture ne contenait rien et qu'il faut chercher ailleurs. Ils se doutent que Paul Amroquet a pris les devants et les a une fois de plus joliment roulés, assurément. Donc maintenant, c'est sur tout ce qui vous appartient, sur ce qui vous touche, sur vous-même, que leurs efforts vont se porter. « Qu'ils y viennent donc, qu'ils essaient !» fit la Rochardie. « Nous sommes encore là pour leur répondre. « Pardon, mon cher, vous ne voyez que des coups à donner, moi je redoute autre chose. « Quoi ? Parbleu, je ne le sais pas. « Je le redoute d'autant plus que cette fois Paul Amroquet ne sera pas là. » Il ne pourra encore intervenir. Ne comptons donc que sur nous. C'est juste. Bien. Alors, mon cher Simonet, ces documents, vous allez me les confier. Je dois les remettre moi-même, fit le jeune chef de cabinet. Ma mission, mon devoir, vous les remettrez vous-même à mon oncle. Confiez-les-moi. En arrivant à New Haven, j'irai, pendant que vous serez retenu à la douane, j'irai, en tant qu'officier anglais, jusqu'à la station militaire, et les documents seront mis en sûreté. En même temps que vous, ils arriveront, comme service de Sa Majesté, à Londres. Sous cette étiquette, ils sont inattaquables en territoire anglais. Gardés officiellement, ils vous attendront avec moi dans l'antichambre du ministre. Je vous les rendrai, et vous-même les remettrez en main propre au ministre, comme la consigne vous en est donnée. Souriant, il ajouta. Je vous laisserai sous la bonne garde de la Rochardie jusqu'à Londres. Ainsi fut fait. Le capitaine, s'étant nommé et faire connaître, passa aussitôt à la douane. Les deux amis allèrent surveiller leurs bagages, qui d'ailleurs ne furent nullement visités. La Rochardie s'attendait cependant à quelque chose à la Custom House. Dans les hommes d'équipe du steamer ou du train, ils redoutaient de rencontrer encore quelques compères de ceux du train français. Durant le trajet, ces craintes ne se justifièrent pas. Les deux amis, sans encombre, sans le moindre incident, gagnèrent le Cyril Hotel dans le Strand, où des chambres leur avaient été réservées par téléphone. Le Cyril Hotel semble être un des organes de la vie de Londres. Il y est universellement connu. Les Français y descendent volontiers. De nombreux bâtiments allant du Strand à la Tamise le composent et en font comme une petite cité dans la ville immense. Au bout d'un long corridor, les deux amis se virent attribuer des appartements contigus. Ils s'y installèrent aussitôt. Leur premier soin fut de passer dans la salle de bain, non seulement pour se nettoyer, mais aussi pour se reposer, pour retrouver dans l'eau bienfaisante la souplesse de leur corps jeune et vigoureux. Simonet voulait en hâte au surplus se débarrasser de son appareil en caoutchouc dont il n'avait pas l'habitude, qui lui tenait trop chaud aux jambes, le gênait dans la marche, appareil qui, grâce à l'ingéniosité de Paulin Broquet, avait rendu les plus grands services, mais dont maintenant il ne voyait plus l'utilité. Il s'en défit donc, et tout simplement le posa sur le dossier d'une chaise dans la chambre à coucher, puis, tranquillement, il passa dans la salle de bain et se mit à faire couler l'eau des robinets pour remplir la baignoire. Le bruit de l'eau qui coulait, chaude et froide, et dont soigneusement Simonet surveillait la température, empêcha le jeune chef de cabinet du ministre d'entendre le pin de la serrure de son appartement glisser d'ailleurs très faiblement. La porte fut ouverte, sans que Simonet s'en doutât le moins du monde, et un homme pénétra dans son appartement. Cet homme aussitôt se dirigea avec les plus minutieuses précautions vers la chaise sur le dossier de laquelle, tout à l'heure, Simonet avait déposé ses bas avarices, et vers les effets dont les poches contenaient le portefeuille, vers sa valise à main. L'homme y atteignait. Il allait s'en emparer quand des cris retentirent dans le corridor, quand un tapage formidable éclata dans la chambre voisine, celle qu'occupait le capitaine de la Rochardie. « Allons bon !» s'écria Simonet dans son bain. « Voilà encore la Rochardie qui fait des siennes. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y avait simplement ceci qui mettait tout le Cyril Hôtel en révolution. La Rochardie, comme son ami, avait l'intention de prendre un bain. Il fit couler l'eau pour le préparer. Puis, au moment de se plonger dans la baignoire, il se dit que pour mesurer agréablement le temps qu'il resterait dans l'eau, il devait fumer une cigarette. Généralement, une cigarette durait 5 minutes à ses lèvres. « Mon bain, se dit-il, durera 5 minutes. Une cigarette. » Alors il sortit de la salle de bain et passa dans la chambre à coucher. Son étui à cigarette, dans lequel déjà tout à l'heure il avait puisé, se trouvait déposé sur la table encombrée de papiers, de journaux, de divers objets déposés en vrac à l'arrivée. Devant la table, sur le dossier d'une chaise, le capitaine avait jeté son manteau de voyage. La Rochardie dut passer derrière cette chaise pour aller à la table, et en cherchant parmi les papiers son étui à cigarette, il le fit tomber sur le tapis. Comme il se baissait pour le ramasser, il lui sembla entendre du bruit à sa porte. Rendu prudent maintenant, et redoutant toujours quelques nouvelles tentatives, se souvenant en même temps des conseils de Paulin Broquet, aussitôt la Rochardie, se sachant là, derrière son manteau, abrité et masqué, ne bougea plus. Il se tint comme un chasseur à l'affût et attendit. D'ailleurs, dans le costume plus que sommaire dans lequel il se trouvait, il lui était de toute impossibilité de se montrer sur le territoire de la régie d'Angleterre. Celui qui entrait au demeurant pouvait n'être qu'un garçon, qu'une bonne, puisqu'il possédait une clé pouvant ouvrir. La Rochardie avait, en entrant, déposé sa clé sur le rebord du manteau de la cheminée et laissé la serrure vide. Il attendit donc quelques minutes. Celui qui parut était un homme en tenue de voyage. Il portait, attaché au front, une visière comme en ont les aveugles ou ceux qui souffrent des yeux, à qui le jour fait mal et ne peuvent supporter que l'ombre. Mais cette visière masquait le visage de l'intrus. Il pénétra dans la pièce, s'arrêta un moment sur le pas de la porte, écouta, puis regarda, et enfin, n'entendant rien, ne voyant rien de suspect, il se décida à faire quelques pas après avoir seulement poussé la porte derrière lui. Cet aveugle avait un don de déduction remarquable, car dans la pénombre de la chambre, il put deviner tout de suite où se trouvaient les effets du capitaine et sa sacoche. Un rat d'hôtel, pensa aussitôt le capitaine, ou un affilié à la bande du train. Il le laissa bien entrer dans la chambre, il lui permit d'aller jusqu'à ses effets, à sa sacoche. L'intrus, assurément, croyant le capitaine tranquillement dans la baignoire, commença à fouiller dans les poches. Alors la Rochardie bondit. Mais il ne bondit pas sans pousser un cri qui fit trembler le Cyril Hôtel et ameuta les passants du Strand, cependant peu facile à alarmer. L'homme surpris fut glacé d'effroi. La Rochardie, en passant, donna un coup de pied à la porte de la chambre pour la fermer et couper la retraite à l'intrus, puis il courut à lui. Le voleur retrouva presque aussitôt son sang-froid, et quand la Rochardie allait l'atteindre, il était maître de ses sens. Il avait compris la situation vu sa fâcheuse posture, et prit aussitôt ses dispositions pour gagner l'issue. Mais la rochardie lui barrait le passage. L'homme ne pouvait espérer fuir par la porte de la chambre. Alors il chercha un refuge, une issue, le salut dans la salle de bain, qui par une porte de service communiquait avec un corridor. Aussi prompt que lui fut la rochardie, qui l'empêcha de fermer la porte de la salle de bain donnant sur la chambre à coucher. Il y eut alors bataille. La rochardie, se souvenant de ce que lui avait dit son ami Montgomery, qu'il était bon sabreur mais mauvais boxeur, ne voulut pas essayer de mettre knock-out son adversaire. En même temps, il ne tenait pas à lui permettre de lui donner à lui quelques coups de poing qui l'eussent mis hors de combat, probablement. La meilleure tactique était la lutte simple. Il prit donc le voleur à bras-le-corps et essaya de le renverser, de le maintenir à terre jusqu'à ce qu'on accourût à ses cris. Mais l'homme était fort et habile. La rochardie avait grand mal avec lui. La bataille fut dure, terrible. Enfin, la rochardie, s'il ne savait pas bien boxer, avait passé 2 ans en Algérie et connaissait le coup favori des Arabes quand ils se battent. Il se détacha un peu de son adversaire, puis bondit sur lui pour lui donner un coup de tête formidable dans la poitrine. L'homme chancela. La rochardie, renouvelant son coup, envoya son adversaire contre la baignoire. Puis, alors, lui portant sur le crâne un de ces coups que Montgomery qualifiait de sabreur, il le fit crouler dans la baignoire. Aussitôt, le maintenant au fond, la rochardie ouvrit tout grand le robinet d'eau bouillante.